بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Alif, Lam, Mim. La révélation du livre émane indubitablement du Seigneur des mondes, diront-ils. Il l'a inventé. Il s'agit bien au contraire de la vérité même venant de ton Seigneur, afin que tu avertisses un peuple que nul autre avant toi n'était venu avertir. Peut-être suivront-ils le droit chemin. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. C'est Dieu qui a créé en six jours les cieux et la terre, de même que tout ce qui se trouve entre eux. Puis il s'est établi sur le trône. Vous n'avez en dehors de lui ni allié, ni protecteur, ni intercesseur. Ne vous rappellerez-vous donc pas? Du ciel, il dirige toutes choses sur la terre. Puis tout remonte vers lui en l'espace d'un jour dont la durée est équivalente à 1000 ans selon votre manière de compter. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Tel est celui qui connaît l'invisible comme le visible, le puissant, le miséricordieux, qui a fait à la perfection tout ce qu'il a créé. Il a d'abord créé l'homme à partir d'argile. Puis il a fait découler sa descendance d'un vil liquide. Il lui a ensuite donné une forme accomplie. Il lui a insufflé de son esprit. Et il vous a pourvu de l'ouïe, de la vue et de la faculté de ressentir et de comprendre. Mais vous êtes bien peu reconnaissant. بل هم بلقاء ربهم كافرون. Et ils disent, quand nous aurons disparu sous terre, serons-nous vraiment créés à nouveau? À vrai dire, ils ne croient point en la rencontre avec leur Seigneur. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. L'ange de la mort qui vous est assigné recueillera votre âme, puis vous serez tous ramenés vers votre Seigneur. Si tu voyais les criminels, lorsqu'ils comparaîtront, tête baissée devant leur Seigneur, Seigneur, diront-ils, nous avons vu et entendu à présent, renvoie-nous donc sur terre, nous y ferons le bien, car nous sommes maintenant convaincus. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Si nous avions voulu, nous aurions guidé chaque âme, mais ce décret de moi concernant les injustes doit s'accomplir. À savoir que j'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. Goûtez donc aux conséquences de vos actes, et comme vous avez oublié la rencontre de ce jour, nous vous oublions à notre tour. Goûtez donc au châtiment éternel, en rétribution de ce que vous faisiez. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Seuls croient à nos signes ceux qui, lorsqu'on les leur rappelle, tombent prosternés, célèbrent les louanges de leur Seigneur et ne s'enflent pas d'orgueil. Ils s'arrachent à leur lit pour invoquer leur Seigneur, en étant remplis de crainte et d'espoir envers lui. Et ils dépensent une partie de ce que nous leur attribuons. Nulle âme ne sait ce qu'on a réservé comme réjouissance pour eux, en récompense de leurs œuvres. أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Celui qui est croyant est-il comparable au pervers ? Non, ils ne sont point égaux. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres auront pour séjour, en récompense de leurs œuvres, les jardins du refuge éternel. Quant à ceux qui font le mal, leur retraite sera le feu. Chaque fois qu'ils voudront en sortir, ils y seront ramenés, et on leur dira « Goûtez au tourment du feu que vous traitiez de mensonge ». ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. Et nous leur ferons certes goûter au châtiment d'ici-bas avant le châtiment majeur de l'au-delà. Ainsi reviendront-ils sur le droit chemin. Qui donc est plus injuste que celui à qui sont rappelés les signes de son Seigneur et qui s'en détourne? Nous nous vengerons certes des criminels. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Nous avons vraiment donné le livre à Moïse. N'aie donc pas de doute sur ta rencontre avec lui. Et nous en avons fait une guidance pour les enfants d'Israël. Et tant qu'ils demeurèrent patients et continuèrent de croire fermement en nos signes, nous désignâmes parmi eux des dirigeants qui les guidait selon nos ordres. Certes, ton Seigneur jugera entre eux au jour de la résurrection, au sujet des différends qui les opposaient. أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ. Ne leur a-t-il pas montré combien de générations avant eux nous avons anéantis dans les maisons desquelles ils marchent aujourd'hui? Certes, il y a en cela des signes, n'écouteront-ils donc pas? Ne voient-ils pas que nous dirigeons l'eau vers des terres arides et que nous en faisons ensuite sortir une culture que consomme leur bétail et dont ils se nourrissent eux-mêmes? Ne voient-ils donc pas? ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم Et ils disent, à quand votre victoire si vous êtes véridique? Dis-leur, le jour de la victoire, il ne servira à rien à ceux qui auront été mécréants de proclamer leur foi. Et plus aucun délai ne leur sera consenti. Alors éloigne-toi d'eux et attends ce jour. Eux aussi demeurent dans l'attente.